Chapitre 26e. C'est une vérité incontestée que celui qui couche sur le champ de bataille a beaucoup moins froid que celui qui couche à côté. L'orgueil de la victoire réchauffe le sang. On les avait donc vaincus, les vainqueurs de Sedan. Et bien que presque tous les régiments n'eussent pas de couverture, ordre ayant été donné de ne pas s'en alourdir, on trouvait la bise beaucoup moins âpre que si l'on avait été reprendre le bivac dans le bois de Vincennes. Chacun se racontait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vu. Ça avait été dur, mais enfin, on en était venu à bout. On ne pensait qu'au triomphe, on oubliait les pertes. Et cependant, sur les coteaux, on voyait des lumières indécises et faibles courir çà et là comme des feux follets. C'étaient les ambulanciers qui recherchaient les blessés, qui n'avaient pas pu encore être recueillis et pansés. Combien de morts, hélas, couchés sur la terre. Ils sont là, étendus, roides, la tête sur leur sac, les yeux ouverts comme s'ils regardaient le ciel. Beaucoup ont conservé dans la mort l'expression de leur physionomie vivante. C'est qu'ils ont été frappés de mort subite, atteints d'une balle au cerveau ou au cœur. Il y en a qui n'ont même pas lâché leur fusil, le tenant dans leurs mains, dont les muscles étaient restés contractés. Mais la bataille durcit le cœur et ceux qui ont encore dans le sang la fièvre de la poudre ne se laissent pas facilement apitoyer. On a faim, on a froid, on mange et on se chauffe. Assis sur son sac, le colonel achève sa miche et sa tranche de lard en exposant alternativement l'une ou l'autre de ses mains au feu, qui donne plus de fumée que de flamme. Il a eu soin de se placer au vent. Ceux de ses camarades qui n'ont pas pris cette précaution reçoivent la fumée en pleine figure, quand le vent incline sa colonne rougeâtre sur eux, et alors ils toussent, comme s'ils allaient rendre l'âme. Son souper fini, il s'enveloppe dans sa peau de mouton et, reculant un peu son sac, il pose sa tête dessus en allongeant les pieds vers le feu. La journée du lendemain sera rude. Il faut dormir avant que le froid du matin ne vienne chasser le sommeil. Mais au moment même où il se renverse, il aperçoit un visage noir qui se penche sur lui. C'est Horace. « Ah, mon colonel, enfin je vous trouve. Ce n'est pas sans peine. Pas blessé, une écorchure. » Mais Horace n'est pas homme à se contenter de cette réponse. « Une écorchure, il faut voir ce qu'est cette écorchure. » Et presque de force, il relève la manche de la vareuse. Le sang a traversé le mouchoir. « Mais vous êtes blessé, vraiment blessé. Je vais vous emmener à Paris. Il faut que vous soyez pansé, que vous soyez soigné. C'est mademoiselle Thérèse qui va être contente. Contente que je sois blessé. Non, mais heureuse d'avoir à vous soigner, et bien soignée que vous serez par elle, par moi, par nous tous. » C'était sur le ton de la plaisanterie que le colonel avait répondu à Horace, mais en réalité il était ému par ce nom de Thérèse ainsi prononcé. Eh oui, sans doute, il serait bien soigné par elle. S'il devait être heureux à le soigner, comme disait Horace, lui-même ne serait-il pas heureux de l'avoir près de lui? Quelle douceur dans cette intimité! Mais il ne s'abandonna pas longtemps à cette pensée. C'était lâcheté de songer à rentrer à Paris en ce moment. La bataille ne reprendra-t-elle pas le lendemain, plus acharnée? Tout ce qu'Horace put obtenir, ce fut d'emmener le colonel dans une maison où des chirurgiens avaient établi une ambulance. On le panserait, et le lendemain, il pourrait se servir de son bras, qui, s'il restait enveloppé avec ce mauvais bandage, serait certainement paralysé dans la nuit. C'était là le langage de la raison. Horace ajouta que la maison n'était pas éloignée, et le colonel le suivit. Ce serait vite fait. Mais en arrivant à cette maison, à moitié démolie par les obus, il ne put pas se faire panser aussitôt. D'autres blessés, arrivés avant lui, attendaient leur tour. Il y avait là des soldats de ligne, des mobiles, des artilleurs. Il y avait même un Saxon, coiffé d'une casquette ronde et vêtu d'une grande houppelande verte à boutons de cuivre. Blessé à la jambe, il était étendu sur le sol, et comme il parlait français, d'autres blessés, ses adversaires, quelques heures auparavant, ses camarades maintenant, l'interrogeaient curieusement. « Voyons, vous n'en avez pas assez de cette guerre ?» demandait un mobile. « Je ne l'ai pas désiré. » Pourquoi faites-vous les affaires des Prussiens qui se moquent de vous? Hein, pourquoi? Vous n'êtes pas maigre, vous ne mourrez donc pas de faim dans vos tranchées? Demanda un autre mobile français. Voyons, dit un troisième, vous devez bien avoir un journal dans ce sac. Donnez-nous-le, on le fera traduire. Non, je n'en ai point. Hier soir, on a donné l'ordre de les brûler. On savait donc que nous allions attaquer? Vous voyez bien qu'ils ont peur que nous apprenions que les armées de province arrivent. Ils se sentent fichus. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. » Enfin, le tour du colonel arriva et il présenta son bras au chirurgien. Allez-vous-en à Joinville, dit celui-ci. Vous trouverez les bateaux-mouches qui vous porteront à Paris. Mais je ne veux pas rentrer à Paris. Mettez-moi une bande là-dessus et je rejoins mon bataillon. Remuez les doigts, dit le chirurgien. Bon, pliez le bras. Bien. Et vous tenez à rejoindre votre bataillon? Mais oui, si cela est possible. Sans doute, cela est possible. Seulement, vous feriez mieux de rentrer à Paris. L'inflammation va se déclarer et votre blessure, légère il est vrai, va devenir le siège des lancements douloureux. Pourrais-je me servir de mon bras? Je n'en sais rien. Il est possible que oui, il est possible que non. Certes, la tentation était grande. Pendant quelques secondes, le colonel resta hésitant. Il était à Paris, près de Thérèse. Il reviendrait au bataillon après l'avoir vu et avoir paré au danger qui pouvait arriver du côté de Madame de Lucilière. « Eh bien ?» demanda le chirurgien. À ce moment, un blessé qui attendait son tour se mit à dire tout haut. « Nom de Dieu, ne pas être là demain. Faut-il avoir peu de chance ?»« Bandez mon bras pour que je retourne à mon bataillon, » dit le colonel. Le pansement fut vite fait, et une fois qu'ils furent sortis de l'ambulance, Horace recommença ses instances pour décider son colonel à rentrer à Paris. Mais le colonel répondit de telle sorte qu'il fallut renoncer à cette espérance. L'heure de l'hésitation était passée. Ils regagnèrent le bivac. « Le commandant vous a fait demander, » dit au colonel un de ses camarades, et on lui a répondu que vous étiez à l'ambulance. « Eh bien, me voilà revenu parmi vous, si toutefois vous voulez bien me faire une petite place auprès du feu. » On lui fit cette place, mais petite, toute petite. Déjà quelques hommes dormaient, ils grognèrent lorsqu'on les repoussa. « Si vous voulez tous dormir, dit Horace, je vais vous entretenir votre feu pendant la nuit. Reposez-vous, moi je n'aurai rien à faire demain. » La proposition fut acceptée, et Horace, qui avait remarqué en allant à l'ambulance une maison qui s'était écroulée sous le bombardement, alla voir s'il ne trouverait pas là quelques morceaux de bois. Il en rapporta quelques chevrons qui, placés sur le feu, ne tardèrent pas à donner une belle flamme claire et chaude. Puis, dans un second voyage, il rapporta un morceau de toiture en zinc qu'il plaça derrière son colonel, de manière à abriter celui-ci de la bise. Il inclina ce toit improvisé au-dessus de son maître, si bien que celui-ci put dormir les pieds au feu et la moitié du corps abrité. À voir de loin ce grand nègre, que le feu éclairait de lueurs capricieuses, allant, venant, s'empressant autour de ce brasier, on eût pu croire qu'on assistait à quelque scène fantastique et mystérieuse dans cette nuit de mort. Profonde fut la stupéfaction de tous, quand le lendemain matin, l'ordre n'arriva pas de recommencer le feu et de marcher en avant. Comment? On ne se rempoignait pas. On sait que cette journée fut employée à enterrer religieusement les morts, suivant une expression officielle. On sait aussi que la lutte ne reprit que le 2 décembre par une attaque des Allemands. On sait enfin qu'après cette seconde bataille, plus meurtrière que la première, nos troupes couchèrent encore sur leur position, qu'elles n'évacuèrent que le lendemain, au milieu du brouillard, sans être d'ailleurs sérieusement inquiétées par l'ennemi. Dans cette seconde bataille, les personnages de cette histoire se battirent bravement comme le premier jour. Mais le colonel ne se fit pas blesser de nouveau, pas plus que Michel ne se fit tuer. Il fallut rentrer dans la boucle de la Marne et reprendre le service monotone des avant-postes, les marches silencieuses, les factions de 4 heures au coin des murs ou dans les trous de la berge. L'effet de cette retraite fut désastreux pour le moral de plus d'un soldat. Quelle confiance pouvait résister à cette reculade quand ceux qu'on faisait reculer se croyaient vainqueurs, et quand on leur disait que cette seconde journée était d'un effet bien plus décisif que la première? Quelle espérance était possible maintenant? À quoi bon tenter un nouvel effort et se faire tuer? Chez ceux dont la foi avait été la plus ardente, la conviction s'était établie qu'on ne profiterait pas plus d'un effort nouveau qu'on avait su ou pu profiter de celui qui venait d'échouer. Chez ceux qui avaient dit, le jour où le mouvement avait commencé, qu'on voulait tout simplement donner au peuple une leçon assez solide pour qu'il en garde la mémoire, la défiance justifiée par les événements était devenue une certitude, et ils avaient repris la parole en élevant furieusement la voix. Que répondre aux uns et aux autres? Qu'il ne fallait pas désespérer pour un échec ou pour une défaillance, c'était ce que beaucoup faisaient. Et parmi ceux qui parlaient ainsi se trouvaient Antoine et Michel. Rien n'avait pu, rien ne pourrait ébranler leur foi. « Il n'y a qu'une chose à faire, disait-il, se battre. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le jour, la nuit, se battre. On s'est battu à Champigny, c'est bien. Mais ce n'est pas assez, il faut recommencer. On fera tuer du monde, c'est vrai, mais on leur en tuera. Leurs pertes ont été égales aux nôtres. Ce qui ne sera pas tué par le feu mourra de fatigue et de maladie. Les alertes continuelles les épuiseront. Nous sommes en meilleure situation qu'eux pour résister et durer. » Ce langage, toujours le même, toujours ferme, toujours résolu, contrastait singulièrement avec celui du colonel, qui, depuis le commencement du siège, avait constamment varié. À l'arrivée des Allemands sous Paris, il avait cru que la ville ne résisterait guère. Après Coulmiers, l'espérance lui était venue. Après la reddition de Metz, elle s'était éteinte, pour renaître après le premier jour de la bataille de Champigny et s'éteindre de nouveau après la retraite. C'était là une différence à coup sûr curieuse que celle qui existait entre ces trois hommes, dont l'un était soldat, tandis que les deux autres connaissaient à peine les choses de la guerre. Le doute chez celui qui savait, la foi chez les ignorants. Lorsqu'ils se trouvaient réunis, cette diversité de sentiments amenait des discussions qui, presque toujours, s'envenimaient entre le colonel et Michel. De là, une difficulté de plus dans leur relation, et le temps traînait en longueur. Rien de nouveau, si ce n'est le froid qui se faisait plus âpre et la neige qui couvrait la terre. Toujours des factions dans des trous d'où l'on enlevait la neige avec ses mains rapprochées en forme de pelle. Pas d'activité possible pendant le jour et pas de feu dans les maisons où l'on s'ennuyait en gelant. La nuit, pas de lumière pour ceux qui ne se résignaient pas à demeurer dans les caves. Les seules distractions du colonel étaient les lettres qu'il recevait de Thérèse et celles qu'il lui écrivait. Jamais il n'avait écrit si longuement. Ses lettres étaient des volumes. Occupé par l'ambulance, Thérèse était nécessairement plus brève. Cependant, elle trouvait moyen, dans ses lettres à son cousin, de dire à peu près tout ce qui pouvait avoir de l'intérêt pour lui. Une de ses lettres, prise au hasard, donnera une idée suffisante de cette correspondance et de l'état de leur esprit en ce moment. Paris, 10 décembre 1870. Vous me reprochez, mon cher cousin, de vous avoir écrit une lettre trop courte. Vous avez pleinement raison, et je suis bien fâché de n'avoir pas pu, ce jour-là, causer avec vous comme je l'aurais voulu. Mais j'ai eu des empêchements de toutes sortes que je vais vous expliquer aujourd'hui afin de vous prouver qu'à ma faute, il y avait des circonstances atténuantes. Vous savez quelle est maintenant la situation de l'ambulance. Toutes les tentes sont occupées, car vos batailles de Champigny nous ont amené bien des blessés. Vous-même, n'avez-vous pas failli être parmi eux? Mais vous n'avez pas voulu quitter le champ de bataille, quoique bien d'autres à votre place et des plus braves l'eussent fait, m'a dit Horace. Pour tous ces blessés, ça avait été une grande joie que la dépêche du gouverneur de Paris, dans laquelle il disait que ces dures journées étaient d'un effet moral bien plus décisif que la première. C'était leur récompense que cette parole, et pas un n'en regrettait son sang versé. Si vous aviez vu quelle joie! On m'avait demandé des plans, et sur la carte, on arrangeait et on suivait votre sortie. Mais quand on apprit que l'armée était entrée dans le bois de Vincennes pour s'y concentrer, la colère et la douleur furent aussi grandes que l'avait été la joie et l'espérance. J'étais précisément en train de vous écrire. Tout à coup, j'entendis une clameur sous les tentes. J'abandonnai votre lettre et courus voir ce qui se passait, pleine d'inquiétude. C'était une véritable émeute. « Ma jambe !» criait celui-ci. « Mon bras !» criait celui-là. « Je vous supprime les jurons et les injures. » Je m'efforçais de calmer toutes ces colères, car il fallait éviter toute cause de fièvre. Mais comme vous devez bien le penser, je n'y arrivais pas facilement. Que répondre à celui qui me disait « J'aurais bien donné mon bras, sans me plaindre, pour sauver Paris, mais puisqu'on rentre à Paris, qu'on me rende mon bras ?» Enfin, j'essayais de tous les moyens, et allant d'une tente à l'autre, je n'eus pas le temps de retourner à votre lettre. J'espérais l'achever le soir tranquillement, mais au dîner, mon oncle Soriol me dit qu'il avait disposé de ma soirée. « Tu ne m'as pas encore entendu, petite, je t'emmène ce soir. » Je veux que tu saches comment ton oncle parle et que tu juges toi-même si je mérite la réputation d'éloquence que l'on me fait. Car vous savez que mon oncle est maintenant un des orateurs les plus écoutés des clubs, ce qui fait qu'il a été obligé de négliger un peu l'ambulance. Je veux me défendre, mais on ne résiste pas à mon oncle, et puis d'ailleurs, je vois que je le fâcherai en persistant dans mon refus. Tout ce que je lui ai dit est inutile. Nos blessés, nos écritures, etc., il veut que je l'entende. Nous partons donc avec Madame Bénard pour le club de la revendication, passage du génie, tout en haut du faubourg Saint-Antoine. C'est là que mon oncle doit parler. Quand nous arrivons, la salle est à peu près remplie. Il y a beaucoup de femmes qui, je crois bien, sont là pour trouver un peu de chaleur et fuir la maison où il n'y a ni lumière ni feu. Peut-être même n'y a-t-il guère à manger, car tous ses visages sont pâlis, ses mines d'enfants sont tristes, ses yeux sont cerclés de noir. Ah, quelle horrible chose que la misère, et pendant ce terrible siège surtout. N'est-il pas admirable que ceux qui souffrent le plus cruellement des privations, de la faim, du froid, de la maladie, ne fassent pas entendre un mot pour demander que ce siège se termine au plus vite par la paix? Nous nous installons dans un coin, Madame Bénard et moi, et après que l'orateur qui occupait la tribune est descendu, mon oncle y monte. Avant qu'il ait parlé, on l'applaudit. « C'est Soriol, bravo, Soriol, mettez-nous un peu de cœur au ventre. » Sur ce mot, mon oncle commence son discours et dit que, malheureusement, il ne peut pas en ce moment apporter des paroles de joie à ceux qui souffrent, car jamais les circonstances n'ont été plus terribles et elles exigent de nouvelles souffrances, de nouveaux sacrifices. C'est parce qu'on n'a pas envisagé tout d'abord la situation d'un œil assez résolu qu'elle s'est aggravée. Cela paraissait curieux, un siège, mais on ne comprenait pas à quelle résolution il fallait élever ses cœurs. Ce qu'il fallait tout d'abord, c'était creuser le tombeau des Prussiens. Dans cette zone désolée qui s'étend entre l'enceinte et l'effort, il fallait à l'avance creuser d'immenses fosses communes pour y ensevelir nos ennemis après l'hécatombe. Leurs éclaireurs avaient vu ces préparatifs, et quand ils auraient expliqué aux leurs quelles étaient nos occupations, ceux-ci auraient compris qu'un peuple qui prépare le tombeau de son ennemi ne veut pas mourir et qu'il ne mourra pas. Ici, un tonnerre d'applaudissements éclata. Mon oncle continua. Voilà ce qu'il fallait faire pour l'extérieur. Mais à l'intérieur, il fallait aussi faire quelque chose. Il fallait faire beaucoup. Avant tout, il fallait nous imposer un carême patriotique. Que font les dévots? Ils jeûnent pour leur religion, n'est-ce pas? Ils font abstinence à certains moments. Ils se privent de certaines choses. Eh bien, il fallait que pour la patrie, tout le monde jeûnât. Quelques voix protestèrent. Croyez-vous que nous ne jeûnons pas? Qu'on m'assure seulement du pain avec des pommes de terre et je veux bien me priver de viande. Ce que j'entends dire, continua mon oncle, c'est que tout le monde devait, dès le premier jour, se restreindre à ce qui était strictement nécessaire pour vivre, les riches comme les pauvres, ceux qui ont comme ceux qui n'ont pas. Et alors, nous aurions économisé les vivres qui ont été gaspillés. Calculez un peu ce qu'on aurait conservé si chaque jour on s'était privé de la moitié de ce qui a été absorbé en superflu. Les Prussiens n'auraient pas eu plus de chance de prendre Paris par la famine qu'ils ne le prendront par la force. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, mêlés aux cris. Ils ne le prendront pas. Nous faisons le carême patriotique, nous. Mon oncle parla ainsi pendant plus de 2 heures, et quand il se tut, on leva la séance. Il était tard quand nous rentrâmes à l'hôtel, et voilà pourquoi ce jour-là je vous écrivis si brièvement. Vous me direz dans votre prochaine lettre si vous avez accepté mes explications et mes excuses. J'ai suivi exactement vos instructions pour les distributions de couvertures aux enfants. Il y a déjà 4200 couvertures de distribuer, et selon votre ordre, il en sera donné tant qu'il sera nécessaire. Ce service est organisé de manière qu'ils aillent en bonne main. Les mères vous bénissent. Et moi, mon cousin, moi, je vous envoie l'assurance de mon affection dévouée. Thérèse.